بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 37 لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء. Combien de naqid on a pris depuis le début? 3. Mahia? Michel? Sommeil? Aywa? Les gaz? Le son des. Aywa? Le son des haïd? On a pris le mavi? Mani, on n'a pas encore pris. Parce que le mani, c'est dans le rousse que ça rentre. C'est pas dans le dos. Le mani, c'est du sperme, ça c'est rentre dans le bébé rousse. Pas le dos. C'est-à-dire, si tu as du sperme qui sort, tu dois faire un rousse et pas un dos seulement. Ça y est, on a pris le mani. On a pris le sommeil. On a pris le fait d'aller aux toilettes, c'est-à-dire les ruines, les excréments. Non. Et les gaz. Annule le fait de péter, quoi. Et la dernière fois, quand on parlait des gaz, vaginaux, c'est pas vraiment les gaz qui sortent comme ceux qui sortent de l'anus intestinaux. C'est comme on a dit, c'est plutôt genre de l'air qui sortirait. Appel d'air, peut-être, un truc comme ça. Donc c'est ça, quand on dit que c'est pas Tobéry, c'est pas genre comme un gaz normal. C'est autre chose. Et ça, on ne le trouve pas chez l'homme. Du moins, ça n'a pas été connu chez l'homme. Toucher la femme, ça annule l'odo. Toucher une femme. C'est quoi le mourad de Al-Mulamasa? Quand la mastumunisa. Allez, au djima, faites d'avoir des rapports. Donc après il dit رحمه الله تعالى في الحديث 68 وعن تلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعلي الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرج الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن مديني وأحسن من حديث بصرة. والحديث 69 وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنهما أو عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. Donc il dit dans le 68e hadith, selon Talq ibn Ali, radiallahu anhu, qu'un homme ait dit j'ai touché mon pénis. Donc il dit l'homme touche son pénis en pleine salat. Doit-il refaire le dos? Donc le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ce n'est qu'une partie de toi. Quand ce n'est qu'un membre de toi. Apporté par les Khamsa. Et authentifié par Ibn Hibban. Ibn al-Madini, il a dit que ce hadith est meilleur que le hadith de Boussra, celui qui vient maintenant. Qui est le 69e hadith. Il dit selon Boussra bin Sofwan, radiallahu anha, c'est une femme, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui touche son pénis, alors qu'il fasse le dos. Rapporté par les cinq, authentifié par Tirmidhi et Ibn Hibban. Et le Bukhari a dit que ce hadith est plus authentique que le précédent, que celui de Talq. Donc il dit Al-Masa'ilu wal-Ahkamu al-Mustafaratu min al-Hadithayn. Donc les règles à tirer profit de ces deux hadiths. Awalad Mas'alatun Masu al-Zakar. Elle yu'addu naqidan min nawaqid al-wudu. Donc est-ce que le fait de toucher son sexe est considéré comme étant un annulatif de l'wudu? Donc dans le sujet, sur la question, plusieurs paroles. Première parole, qu'il annule l'wudu. Le fait de toucher le pénis annule l'wudu. C'était apporté par Ibn Khattab, Omar Ibn Khattab, ou Saad Ibn Abi Waqqas, Ibn Omar, Ibn Abbas, Abu Huraira, Aisha, et bien d'autres. Par contre, dans les sahabas rapportés là, ce qui était rapporté de Abu Huraira ou d'Ibn Abbas, les affaires, ils sont faibles. Ensuite, quelle est leur preuve? Le hadith de Boussra, celui qui touche son pénis, qui passe au dos. Deuxième parole, que cela n'annule pas le dos. C'est l'une des paroles de Ali et d'Ibn Mas'ud et de Huzaifa et de Ammar. Mais le affaire de Ali, il y a un dorf dedans, une faiblesse. Ça a été apporté également d'Ibn Abbas et de Imran ibn Hussein et d'Abu Darda et bien d'autres. Et c'est quoi la preuve? Le hadith de Talq ibn Ali. C'est le premier des deux qu'on a lu. Troisième qaul, troisième avis, qu'il est recommandé, mustahab, de faire l'odo. C'est l'une des paroles de Ahmed, et c'est la parole choisie par Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et de Cheikh Al-Othaymin, car eux ont voulu joindre entre les deux hadiths. Allez, c'est que c'est Ibn Allah, et Stirbem. Mais ça revient au fait que ça n'est pas l'odo. C'est mustahab, c'est que ça n'est pas l'odo, pour eux. Et quatrième parole, Yankud al-wudu idha massa bish-shahawat, que ça annule les ablutions si jamais la personne se touche avec désir. Tamam. Et c'est l'une des paroles de Ahmed et de Malik, et c'est la parole choisie par Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc évidemment, les premiers qui ont dit que ça annule l'wudu ont pris leur avis sur le hadith de Boussra. Et le hadith de Boussra, il a des shawahid en plus, d'autres hadiths qu'il appuie. Et ils n'ont pas considéré le hadith de Talq. Et certains parmi eux l'ont rendu faible. Et d'autres ont vu la voix de Dinas al-Mansour, de l'abrogeant l'abrogé, que le hadith de Boussra abroge le hadith de Talq. Les autres ont pris la parole prédominante. C'est-à-dire, tu as deux paroles, tu en fais prédominer une sur l'autre. Ils ont fait prédominer le hadith de Boussra sur celui de Talq. Et ceux de la deuxième parole, qui est que cela n'annule pas l'odo, eux, ben, ils ont pris le hadith de Talq. Et ont délaissé le hadith de Boussra. Avec ses shawahid. Et certains l'ont affaibli, le hadith de Boussra. Et d'autres ont fait passer en premier le hadith de Talq. Donc évidemment, on a su que le hadith de Boussra est authentique. Et également celui de Talq. Donc certains, ils ont vu quoi? Comme les deux sont authentiques, ils ont voulu lire entre les deux hadiths en disant que c'était mustahab. Quand même, en disant que c'était mustahab. Quant au quatrième kaoul, le fait de toucher avec Shahawat, il n'y a pas de dalil dessus. Qui démontre que le fait de toucher son pénis avec plaisir, que cela emmène à annuler l'odo. Donc lui, il voit quoi, Cheikh? Il voit que c'est le troisième kaoul qui est prédominant. Cela est mustahab. D'accord? Il voit que le troisième kaoul, c'est celui-là qui est prédominant. Ce qui qui apparaît de son. Après dit mas'ala al-lin al-intiqad bi batin al-kaf ou bi zahiri. Est-ce que cela fait le dos de toucher avec la paume ou avec le dos de la main? Tamam? Ou avec la paume, c'est-à-dire le plat de la main, l'intérieur de la main, ou le dos de la main. Donc certains ulama voient que ce, le dos n'est annulé, pour ceux qui voient que ça annule le dos, qu'avec l'intérieur de la main. Et non pas le dos de la main. Car le dos de la main n'est pas considéré comme étant objet à contact. Là-bas, quand on parle de toucher quelque chose, c'est volontairement le fait de toucher quelque chose, ce qui est à la base passe en premier lieu, c'est la paume. Bien que si j'ai fait ça, j'ai touché. Pas le contraire. Le sens voulu par se toucher le pénis, et il voit que c'est l'intérieur. Et d'autres voient qu'il n'y a pas de différence. Ou le plat de la main ou le dos de la main, c'est pareil, c'est la main. Taïb. Et eux, ils ont pris quoi comme preuve, ceux qui voient qu'il n'y a pas de différence? Un hadith, rapporté par Ahmed, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Afda ahadukum biyadihi ila farjihi laysa baynaha sitra ou sutra falyatawadda. » Celui qui touche avec sa main son sexe, là, elle forge, ça va plus loin que le pénis. Là, c'est le sexe. Elle forge ou plaque à la. À la zakar. Ou à kazalika à la. Hakad nisa. On peut l'employer pour le pénis, on peut l'employer pour le vagin. Donc il dit celui qui touche son sexe de sa main, soit qu'il y ait de séparation, alors qu'il fasse le dos. Et c'est un hadith qui est Hassan. Donc ils disent que le dos de la main fait partie de la main. Donc ils mettent tout ensemble. Et le shir, il ne met pas d'avis prépondérant parce que lui, il voit que c'est mustahab. Donc il ne dit pas quel est lequel des deux rôles qui est le plus fort, car lui, il voit que c'est mustahab à la base. Mas'ala. El yantaqid el wudu idha massahu bidira'a ou bidira'i. Est-ce que cela annule le dos s'il le touche avec son avant-bras? La plupart des savants voient que cela n'annule pas. Car ils disent également que la membrane n'est pas un membre de contact, de toucher, comme la main. Et d'autres ulama, comme Ahmed et le Awza'i, dans une de ses paroles, ils voient que toucher avec l'avant-bras, cela annule l'autre. D'ailleurs, l'avis de Shaykh Yahya dans cette masala, c'est que ça annule le dos. Quand même, lui, il voit que le fait de toucher son pénis, ça annule le dos. Après, il dit Mas forge el ghayr. Le fait de toucher le sexe d'autrui, quelqu'un d'autre, pas le tien. Certains ulama, dont ceux du Mazhab Shafiri et Hanbali, voient que cela annule le dos. Ils voient même que le fait de toucher le sexe de quelqu'un d'autre, cela est encore plus, pour eux, c'est encore plus fort. Et dans certaines versions du hadith de Bousra, il a été dit, man massa al-zakar falyatawadda. Celui qui touche le pénis, qu'il fasse le dos. Vous voyez? Celui qui touche, qu'il est al-zakar, ma qu'il est zakara. Al-zakar, le pénis. Akaza, à la wajal umum. Cependant, le shir dit que cette version-là, elle est faible. Et d'autres ulama voient que cela n'est pas l'odo. Pourquoi? Car les textes sont venus en parlant de son propre sexe. Les textes sont venus en parlant de son propre sexe. Et donc la base dans les choses, c'est at-tahara, la purification. Donc celle-ci ne cesse qu'avec un dalil wadih, une preuve claire. Après, il dit le vagin de la femme, masul mar'ati li farjiha, que la femme touche son propre vagin. Des gens comme le mazhab du Shafi'i de l'imam Ahmed voient que cela annule l'odo. Et d'autres ulama, dont Abu Hanifa et Malik, et ils parlent de Ahmed, voient que non. Car eux, les preuves sont venues, quand ils disent que les preuves sont venues, que Zakar. Man massa Zakarau, c'est Tawadda. Amen. Mais également, nous avons dit que d'autres versions du hadith sont venues avec le terme forge. Et forge. أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ. Donc c'est un hadith d'Abdullah ibn Amr avec un isnad hasan. Avec un isnad hasan. طيب. Après il dit مسألة مس الدبر. On va le toucher l'anus. Certains ulama, dont ceux du Mazhab Shafi'i, et le dépendant de Ahmed et bien d'autres, voient que oui, toucher son anus, ça annule l'autre. Car ils voient que le mot forge également s'emploie sur l'anus. Le mot forge, on l'emploie pour le pénis, on l'emploie pour le vagin, et également on l'emploie pour l'anus. Et d'autres ulama voient que non, là il n'y a pas de preuve. Les hadiths, eux voient qu'il y a ni concerne le sexe seulement et non pas l'anus ou le vagin ou le pénis. Et comme Chili, comme lui voit pas cet avis là, il se dit pas c'est quoi la ville plus fort, parce que lui voit que c'est mustahab. Après il dit mas alatoun masou elou unfayay, le fait de toucher le testicule. Donc là, la plupart des savants voient que ça ne rentre pas dedans. Quand même, ça ne rentre pas dedans, car ce qui est venu comme terme, c'est ou Zakar ou Farj. Et Zakar, on sait c'est quoi le Zakar, c'est plus tout seul. Et les testicules ne font pas partie, taïb, du pénis. C'est autre chose. Ça suit, mais ça ne fait pas partie. Donc voilà. Ça c'était la mas'ala. Et on va prendre le hadith d'après aussi maintenant. Il y a juste une page d'arbre. Donc le khurafa, le shir, il voit que le fait de toucher le. Pour lier entre les deux hadiths, que le fait de toucher le pénis ou le vagin pour la femme, cela n'est pas un arqid de l'odo, mais il est mustahab de le faire. Et notre cher Yahya, lui, voit que c'est un annulatif de l'odo. Et même toucher le sexe d'autrui. Quand il voit, par exemple, si la mère change son enfant, qu'elle touche le pénis, le garçon par exemple, ou quoi, elle refait l'odo. Ça annule son odo. Et son avis. Donc il dit, « Fi al-hadith al-sab'in wa an Aishata radiallahu anha anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala man asabahu qayyun أو رعاف أو قلس أو مذي فينصرف ليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. Selon Aïcha رضي الله عنها que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui a des vomissements ou qui a un saignement du nez ou qui a des remontées comment on dirait des fois des remontées qui viennent de l'estomac. Je ne sais pas si c'est acide, mais en tout cas, tu as des remontées. Ou qu'il y a du mavi, c'est-à-dire le liquide prostatique, alors qu'il sorte de sa salate, qu'il fasse l'odo, après qu'il continue sa salate et qu'il ne parle pas. Quand même, c'est-à-dire qu'il continue sa salate. Mais, condition qu'il n'ait pas parlé. Donc, le hadith rapporté par Mouhadja, mais il était affaibli par Ahmed et d'autres. Donc le hadith, il est faible. Ça y est, le hadith, il est faible. Donc on ne peut bâtir dessus le jugement. Quoi qu'il en soit, la manière anastafid min masail. On peut toujours poser des questions par rapport au hadith. Qu'est-ce qu'il en est du vomissement, c'est normal, ce genre de choses. Ma vie, j'ai fait un adam. Donc il dit, mas'ala, hel el qay naqid. Est-ce que le vomissement est un annulatif? Donc comme tu le sais, il y a le khilaf qui est présent, qui est effectif. certains ulama voient que oui. Cela fut rapporté d'Ibn Omar, comme dans l'Awsat. Mathalan, lui voit que le vomissement annule l'odo. Et ils ont pris également ce hadith comme preuve. Le hadith il est faible. Et d'autres ulama voient que le vomissement n'est pas un adjectif de l'odo. Tout simplement car il n'y a pas de dalil authentique. Et quand bien même des sahaba l'auraient dit, ce n'est pas une hujja. Parce que sur le sujet, ce n'est pas une hujja. Après, il dit Al-Qalas. Al-Qalas, on dit c'est quoi? C'est les remontées. Les remontées qu'on peut avoir de l'estomac. Donc, pas un aimant, il y a un khilef, mais la parole, bien évidemment, qui est claire, c'est qu'il n'y a pas de dalil. Il faut un texte pour dire telle et telle chose est un enquête de l'odo. Donc, cela, il n'y en a pas. Mais le hadith est faible. Et troisième, un ru'af, qui est le saignement du nez. Le fait de saigner du nez. Et c'est le même jugement. D'ailleurs, on avait pris que comme Asala, que le sang n'est pas une najasa, déjà, en soi, hormis le sang des haïd et des nifes, des femmes. En tout cas, saigner du nez n'emmène pas à annuler l'odo. Bien qu'il fait rapporter d'Ibn Omar que ça, c'est-à-dire ce hadith-là, il a appliqué. Il était en salat, il a saigné du nez, il est sorti de la salat, il a fait l'odo, il n'a pas parlé et il a poursuivi sa salat. Et quoi qu'il en soit, on a dit cela n'est pas une hujja. Ce n'est pas un dalil en soi. Donc le khurasa, par contre le mazi, annule l'odo, ça on l'a pris. Le prostatique, ça annule l'odo, ça on l'a pris. Mais les autres, vomissement, saignement de nez, remontée d'estomac, ce genre de choses, on n'est pas l'odo. Tu restes à la tahara, car le hadith n'est pas authentique. Tu continues, c'est pourquoi tu lui recommences? Tu continues, Salat. Le daif, le hadith. Donc, le salat, pareil. Tu par exemple, si tu dis que tu veux mieux en salat, tu vas arrêter la salat. Pour pouvoir nettoyer parce que tu es sali ou. Voilà. Et tu n'as pas arrêté la salat à cause de. Parce que tu as perdu l'odo. Et si tu l'arrêtes pour une raison. On va pas faire ça, toi, Adjiba. Par exemple, tu es en train de faire nafila. Par exemple, tu vomis en pleine salat. La salade. Ça te perturbe, tu fais le rouge surtout. Donc tu arrêtes ta salade, tu nettoies par exemple pourquoi ou quoi. Tu ne vas pas te concerner dans ton vomi. Même si c'est pas une najasa, c'est pas propre. Donc tu arrêtes ta salade, tu nettoies et tout, et voilà. Ah, mais maintenant que tu arrêtes ta salade parce que c'est un marqué, ça non. Tu l'arrêtes pour une autre cause. Cause de dérangement. Ou tu saignes du nez par exemple. On dit que tu as un mouchoir avec toi dans la main, saigne. Quand ton mouchoir, tu mets dans le nez pour pas que ça coule. Tu continues ta salade. Ça coule beaucoup, t'as rien. Tu vas pas te mettre du sang sur toi comme ça, te salir. Tu vas arrêter pour aller te mettre de l'eau, mettre quelque chose à coton ou quelque chose. Mais t'arrêtes la salade pour, à cause, pour stopper l'hémorragie, pas parce que c'est un enquête de l'odo. Amal Mavi, ça c'est un enquête de l'odo. Non. Donc voilà. Mafou Mahala. Pareil. Je sais qu'elle est au khair. Walhamdulillah Rabbil Alamin.